إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous nous retrouvons pour le troisième cours concernant l'explication de six passages de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah. Nous en sommes aujourd'hui au deuxième passage. Al-Mawdou'u al-Thani, annahu sallallahu alayhi wa sallam lamma qama yunzirhum عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه إلى أن صرح لهم بسب دينهم وتجهيل علمائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة. Donc le deuxième point, le deuxième événement de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lequel le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a voulu faire la lumière. Et nous avons expliqué dans l'introduction qu'il s'agit de six événements qui montrent l'importance du tawhid, qui sont liés au tawhid. Il a dit dans le sens de sa parole: quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam mit les polythéistes en garde contre le shirk, contre le polythéisme, et qu'il appela à son contraire, qui est le tawhid, ils ne le prirent pas mal, qu'ils l'accueillèrent même d'une bonne manière, à tel point qu'ils hésitèrent à le suivre. Cependant, comme il commença à dénigrer leur religion et à remettre en question leurs savants, ils s'opposèrent rigoureusement à lui et à ses adeptes. Donc on voit dans ce passage que dans l'hypothèse où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prêchait l'unicité et condamnait le polythéisme sans s'attaquer aux païens et aux polythéistes, qui revendiquaient, eux, ne pas faire du shirk. Ils revendiquaient ne pas faire de polythéisme à leurs yeux. Pour eux, ils ne faisaient que se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala par le biais des gens pieux et des bien-aimés d'Allah. Nous ne commettons aucun shirk, assurait-il, mais nous ne faisons qu'avoir recours à l'intercession en vue de gagner les faveurs d'Allah. Nous disons donc que si le messager sallallahu alayhi wa sallam s'était contenté d'interdire le polythéisme sans entrer dans les détails, il n'aurait pas gagné l'animosité de ses concitoyens qui ne se considéraient pas comme des polythéistes. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à mettre un nom sur leur polythéisme, à le décrire, à expliquer en détail Quelles étaient les formes de polythéisme qu'il pratiquait, qui étaient interdites, qui étaient contraires et contradictoires au tawhid? Alors là, ils lui ont voué de l'animosité. Car au début, pour eux, ils interprétaient leur pratique par autre chose que du polythéisme. Et quand vous commencez à leur dire que les pratiques qu'ils consacrent au mausolée, au tombeau, comme adoration, comme vœux, comme immolation, relèvent du polythéisme majeur, ils se mettent dans tous leurs états. Il se passa exactement la même chose avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier condamna le culte rendu aux idoles comme Lat, Al-Uzza, Manat. Il faisait comprendre aux idolâtres que la religion qu'ils suivaient n'avait aucun fondement et que les savants qui les invitaient à suivre cette religion les entraînaient sur le mauvais chemin. Ils accueillèrent ces critiques avec un fanatisme aveugle pour leur religion. Pour la plupart des hommes aujourd'hui, qui sont dans le même état que ces polythéistes, ils ont la même réaction. De même, pour ceux qui s'égarent du chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand la personne, le savant, ou le prédicateur, ou l'enseignant, ou l'éducateur, donne un cours général sur la gravité du shirk, l'importance du tawhid, tout le monde est content. Il n'y a pas de souci. Mais s'ils commencent à mettre un nom sur leurs égarements, à dire « ceci que vous faites est du shirk », « ce à quoi vous appelle telle et telle personne, c'est du shirk », alors là, l'animosité commence. De même, quand on dit « il faut suivre la sunna, délaisser la bid'a », tout le monde est content. Tout le monde est en accord avec cette généralité parmi les musulmans. Mais si tu lui dis ce que tu fais, tel et tel acte que tu fais est une innovation. Tel et tel acte que la personne que tu as pris comme modèle est un innovateur. Il appelle à l'innovation. Alors l'animosité démarre. De même, quand on fait des discours pour appeler à l'union et l'unité des musulmans et à rejeter la division, tout le monde est content. Mais quand on met le doigt sur les personnes qui divisent, quand on met le doigt sur le mal, alors le fanatisme aveugle commence. Puis le cheikh a cité, en parlant des polythéistes qui disent, « وَقَالُوا سَفَّهَ أَحْلَامَنَا وَعَابَ دِينَنَا وَشَتَمَ آلِهَتَنَا وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمْ يَشْتُمْ عِيسَى وَلَا أُمَّهُ وَلَا الْمَلَائِكَةِ وَلَا الصَّالِحِينَ وَلَكِنْ لما ذكر لهم أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما. Alors ces polythéistes disaient, comme dit le cheikh dans son texte, dans le sens de sa parole, il disait, il insulte nos raisons, c'est-à-dire il dit qu'on n'a pas de raison, on n'a pas d'intelligence. Il dénigre notre religion et il offense nos divinités. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'en était pas pris à leur divinité et qu'ils ne les avaient pas critiqués, les païens n'auraient rien dit. S'ils s'étaient contentés de dénoncer le polythéisme et de vanter les vertus de l'unicité, ils n'auraient pas eu de problème. Puis le cheikh dit, dans le sens, or il est connu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas offensé Isa, ni sa mère, ni les anges, ni les vertueux. Fin de citation. Effectivement, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a nullement dénigré les vertueux, mais il a blâmé l'adoration des idoles. Et il a expliqué que les prophètes, les anges et les gens pieux ne tolèrent nullement qu'on les prenne pour des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le cheikh a dit, mais quand il annonça aux païens qu'il ne fallait pas les invoquer et qu'il ne pouvait leur faire ni du bien ni du mal, ils prirent cela pour une offense. Effectivement, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Isa alayhi salam, les anges ou les gens pieux ne pouvaient faire ni le bien ni le mal, les polythéistes ont pris cela pour une offense. Aujourd'hui, c'est la même chose. Quand les adeptes du tawhid expliquent aux gens qu'il ne faut ériger aucun édifice au-dessus des mausolées, ce qui est un devoir de notre part envers eux, ils leur répondent que nous ne faisons que rendre hommage au tombeau et que c'est leur devoir de faire cela. C'est une façon de leur exprimer leur respect, pensent-ils, et de solliciter les faveurs d'Allah tabaraka wa ta'ala par leur intermédiaire, comme ils appellent ça at-tawassul. Alors qu'à vos yeux, nos pratiques sont complètement erronées. Ils voient donc notre réaction comme un blasphème. Voici quel genre d'arguments ils avancent pour justifier leurs pratiques. Leurs écrits et leurs discours aujourd'hui le confirment également. Puis le cheikh a dit dans son texte, فَإِذَا عَرَفْتَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَرَفْتَ أَنَّ الْإِنسَانَ لَا يَسْتَقِيمُ لَهُ دِينٌ وَلَا إِسْلَامٌ وَلَوْ وَحَّدَ اللَّهَ وَتَرَكَ الشِّرْكَ إِلَّا بِعَدَاوَةِ الْمُشْرِكِينَ وَالتَّصْرِيحِ لَهُمْ بِالْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ كَمَا قَالَ تَعَالَى لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ الآية. Puis le cheikh a dit, ainsi, si tu as compris que l'homme ne peut prétendre à l'islam sans afficher ouvertement sa répulsion et sa haine envers les polythéistes, et cela quand bien même il se conformerait à l'unicité et délaisserait le polythéisme. Allah subhanahu wa ta'ala déclare en effet, dans le sens de sa parole, il ne peut y avoir de fidèles, croyants, qui à la fois croient en Allah et au jour dernier, et éprouvent de l'affection pour les adversaires d'Allah et de son messager, fussent-ils leurs pères, leurs enfants, comme il est venu dans le verset. On voit dans ce passage que malheureusement, certaines personnes affiliées au savoir et à la prédication n'approuvent pas qu'on puisse vouer de l'aversion pour les mécréants, sous prétexte que cette attitude serait réservée uniquement contre ceux avec qui nous sommes en guerre. Nous devons les détester, disent-ils, parce qu'ils nous font la guerre et parce qu'ils se sont emparés de nos terres, non à cause de nos différences religieuses. Allah tabaraka wa ta'ala dit bien dans ce verset, il ne peut y avoir de fidèles qui à la fois croient en Allah et au jour dernier et éprouvent de l'affection pour les adversaires d'Allah et de son messager, fussent-ils leurs pères, leurs enfants, leurs frères ou leurs familles. Le verset ici ne parle pas spécifiquement des ennemis en guerre, mais plus principalement des ennemis d'Allah et de son messager. Y a-t-il un plus grand moyen de s'ériger en ennemi d'Allah et de son messager que de faire preuve de mécréance et de polythéisme? Il n'est pas permis de leur éprouver de l'amour religieux. Allah Ta'ala a dit, « Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidhu al-yahuda wa al-nasara awliya, ba'duhum awliya ou ba'd. » Ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés. Ils sont alliés les uns avec les autres. C'est-à-dire, ils s'aiment et ils s'entraident les uns les autres. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Quiconque parmi vous les prend en alliés fait partie des leurs. Certes, Allah ne guide pas les gens injustes. Allah tabaraka wa ta'ala dit aussi, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés mes ennemis et les vôtres en leur témoignant de l'affection. Puis le cheikh dit, فَإِذَا فَهِمْتَ هَذِهِ فَهْمًا حَسَنًا جَيِّدًا عَرَفْتَ أَنَّ الْكَثِيرَ مِنَ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الدِّينَ لَا يَعْرِفُونَهَا وَإِلَّا فَمَا الَّذِي حَمَلَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الصَّبْرِ عَلَى ذَلِكَ الْعَذَابِ وَالْأَسَرِ وَالضَّرْبِ وَالْهِجْرَةِ إِلَى الْحَبَشَةِ. Dans ce passage, le cheikh dit, si tu as bien compris ce point, tu te rendras compte qu'il échappe à bon nombre de ceux qui prétendent connaître la religion. Sinon, qu'est-ce qui aurait poussé les musulmans à endurer la répression, l'emprisonnement, la torture et l'exil en Abyssinie? Effectivement, si tu venais à interroger bon nombre de savants et de gens instruits sur cette question, l'alliance et le désaveu, tu te rendrais compte qu'ils ne la connaissent nullement. Selon eux, nous ne sommes pas obligés d'éprouver une aversion religieuse envers ceux qui mécroient en Allah et en son messager, sous prétexte que notre religion ne serait pas une religion de haine. Il ne voit pas d'inconvénient à avoir de l'amour autre que l'amour naturel envers un païen. Ce serait une façon de se concilier avec eux. Ce à quoi nous répondons, qu'il n'y a pas de mal à faire des accords de paix dans le domaine politique, ou de vivre avec eux en paix, ou de ne pas leur faire d'injustice. L'islam appelle à cela. Mais par contre, il est interdit de faire la moindre concession pour des choses qui touchent à la religion d'Allah. Sinon, pour quelle raison les musulmans subirent-ils des persécutions à la Mecque? Est-ce pour le simple fait qu'ils faisaient la prière et qu'ils jeûnaient? Non, c'est parce qu'ils affichaient de l'animosité envers les idoles, envers le polythéisme et envers les infidèles, et qu'ils condamnaient le shirk. C'est pour cette raison qu'ils endurèrent la pire répression. S'ils s'étaient contentés de prier et de jeûner, concentrés sur l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala, sans se préoccuper de personne, ils n'auraient jamais eu à subir ces torts, et il ne leur aurait été nullement demandé de patienter. On ne patiente que devant des faits pénibles. Effectivement, si le musulman n'a pas le courage d'affirmer ses croyances et de défendre la vérité, il se suffit de pratiquer seul et de ne jamais contester le faux. Il n'y a pas de souci, tout le monde va l'aimer. Il n'y a aucun problème. Regardez, même les Quraysh, ils n'avaient pas de problème avec ça. Le problème a commencé quand il a fallu désigner c'était quoi ce faux. Quand ils ont été critiqués dans leur manière de pratiquer, dans leur shirk. C'est pour cela, un prédicateur au tawhid, il ne se suffit pas d'appeler au tawhid de manière générale et de mettre en garde contre le shirk de manière générale. Mais il faut qu'il précise. Il faut qu'il donne des exemples. Il faut qu'il montre les différentes manifestations du polythéisme qui existent et qu'il les dénonce. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, comme les croyants ont fait, ce à cause de quoi ils ont subi les persécutions. De même, la personne qui s'affilie à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la vérité. Il ne se suffit pas d'appeler à la vérité et à la sunna d'une manière générale et à dénoncer la bid'a d'une manière générale. Non, il détaille les dérives et les innovations et les égarements et les égarés et il les nomme et il subit la difficulté et les insultes, les attaques des gens pour défendre la vérité. Celui qui ne veut pas perdre les gens, il ne défendra jamais la vérité, il va perdre la vérité. Celui qui veut défendre la vérité, il faut qu'il soit prêt à perdre l'humanité entière pour défendre la vérité. Puis le cheikh a dit, مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس ولم يجد لهم رخصة ولو وجد رخصة لأرخص لهم كيف وقد أنزل الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. Puis le cheikh a dit, dans le sens de sa parole, or le prophète صلى الله عليه وسلم, qui est le plus clément des hommes, n'aurait pas hésité à leur faciliter les choses s'il en avait eu la possibilité. Comment aurait-il pu le faire quand on sait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé dans le sens de sa parole dans Sourate Al-Ankabut, certains gens prétendent avoir la foi, mais lorsqu'ils subissent un tort pour la cause d'Allah, ils font comme si ces épreuves que leur font subir les hommes étaient semblables au châtiment d'Allah. Malgré la compassion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette compassion, cette miséricorde qu'il éprouvait pour ses compagnons, il ne leur accorda pas la permission de faire des concessions dans leur religion. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui lui était plein de compassion et de miséricorde, s'il avait pu leur permettre de délaisser une pratique, il l'aurait fait. Allah tabaraka wa ta'ala révèle même un verset qui va dans le sens contraire en disant « Certaines gens prétendent avoir la foi. » Mais dans l'adversité, et s'ils sont victimes de persécutions pour la cause d'Allah, ou en d'autres termes, pour avoir embrassé verbalement la foi, et pour avoir adhéré au tawhid, ils abandonnent leur religion comme si les épreuves des hommes étaient semblables au châtiment d'Allah. Ils fuient la persécution des hommes sur terre pour rejoindre le châtiment d'Allah dans l'au-delà. C'est comme une personne qui voudrait éviter un peu de chaleur pour aller se jeter dans le feu. Si quelqu'un n'est pas capable d'endurer le mal des hommes, comment pourrait-il endurer le feu de l'enfer? En principe, il devrait faire le contraire, qui consiste à échapper à l'enfer en faisant face et en supportant le mal des autres. En revanche, sacrifier sa religion à cause de la persécution des hommes, tout en oubliant le châtiment d'Allah et l'enfer qui nous attend, c'est comme vouloir éviter la chaleur pour aller se jeter dans le feu. Puis le cheikh a fini en disant: فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه إذا أوذوا في الله إذن فكيف بغير ذلك. Il dit, sachant que ce verset concerne ceux qui n'ont que verbalement exprimé leur accord avec les mécréants, qu'en est-il dans ce cas des autres? Donc cet avertissement qui est cité dans ce verset s'adresse à ceux qui sont verbalement d'accord avec les mécréants. Non qu'ils en soient forcés, mais simplement pour pouvoir rester au milieu d'eux et vivre avec eux. Que dire alors de ceux qui se soumettent à leur bon vouloir par ses propres actes pour des simples intérêts mondains qui n'ont pas la valeur aux yeux d'Allah tabaraka wa ta'ala d'une aile de moustique? C'est pour cela, mes frères, cette religion, c'est l'objectif pour lequel Allah nous a créés. Et cette religion, elle est basée sur l'appel au tawhid en détail, et la mise en garde contre le shirk en détail, et l'appel à la sunna en détail, et la mise en garde contre la bid'a en détail, et l'appel à l'union selon le Coran et la sunna, et la mise en garde contre la désunion et ce qui divise selon le fanatisme aveugle et le suivi des innovations. Si une personne veut suivre cette religion, il faut qu'il soit prêt à subir les attaques des gens, les difficultés, et qu'il soit prêt à montrer l'animosité qu'il a envers les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr selon les règles religieuses. Ça ne veut pas dire leur faire de l'injustice, leur faire du mal, ou ne pas espérer pour eux la guider, ou ne pas avoir de miséricorde pour eux. C'est un sentiment religieux lié à la foi, du fait qu'on aime pour Allah, qu'on déteste pour Allah. Alors on les déteste pour Allah du fait qu'ils ont pris Allah et son messager en adversaire. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين.